promenant les coulisses de mon propre spectacle. On appelle ça la vie, moi j'appelle ça un putain de mirage. Un carton plat, un match de pâté, pâté, pâté, pâté, pâté, pâté. Je sais tout ce qui va se passer dans la vie. J'en ai rien à foutre de ce putain de carré, saloptique. Je vais retourner chez moi, tu vois, c'est saloptique. Me promenant les coulisses de mon propre spectacle. On appelle ça la vie, moi j'appelle ça un putain de mirage. En carton pâte, en marche à pâté, pâté, pâté, pâté, pâté, pâté. Je sais tout ce qui va se passer dans la vie. J'en ai rien à foutre de ce putain de carrousel optique. Je retourne chez moi, tu vois, c'est ça l'optique.